tu viens pas, tu dors pas, tu bicraves pas quand tu bois, tu fumes pas. Martin, c'est Martin, il se lève du matin. Quand il vient, à la radio, il fait son show, à freestyle. Martin, du matin, lève du lit quand tu viens sur Terre. T'es bien sur la planète, viens sur Terre comme un GPS. Le GPS fonctionne avec un moteur, motorisé avec des piles quand tu viens sur Terre. Tes yeux on dirait un laser quand tu viens. Tes flashs pas prime quand tu roules en Super 5, Mono 5, GTS, bolide allemand quand tu viens pas. Ton micro il est orange, on dirait un feu stop. Ouais. Martin il est énervé. La terrasse. Martin est énervé. Énervé Martin, énervé. Énervé Martin, énervé. Énervé chaud bouillant. Ouais, ouais. Le chaud bouillant, déjà un volcan. Quand tu viens sur Terre, la planète va sursauter. Yeah, yeah. Volcanique géant. Yeah, yeah, yeah. Tu vas yeah. planer comme un avion. Tu comme portes des avion. Air Force. Martin porte des Air Force. Il aura de la force comme Tyson. Bow. Bow. Bow. Bow. Martin. Martin. T'as de la force, tu portes des Air Force, tu seras très fort comme Martin. Lâche ma couille, quand tu viens sur Terre, tu vas planer comme un avion. C'est Martin, il Martin. Fait chaud, arrondi. Yeah, yeah, yeah. Ouais, Martin. Yeah, yeah, je suis pas un rappeur. Yo, yo, je fais pas du rap. Je sais pas rapper. J'ai pas rappé. J'ai pas chanté. Je suis comme une casserole, il vient sur une casserole, Seb, la Marseille. J'ai pas rappé, j'ai pas chanté, bordel. Il sait pas chanter, il sait pas rapper, il sait faire n'importe quoi dans la vie. Je fais que crier à longueur de journée. Je suis un grita gazmer en mode bec, en mode BG. Tu vas faire un barbecue, c'est la tomate oignon dans le grillade. Ouais, Martin. Mais prends le casque, tu peux écouter que le casque. Prends ton casque, Tu viens sur Terre, quand tu viens, t'allumes pas le briquet. Quand tu viens sur Terre, ton briquet est allumé. Quand tu viens pas, c'est allumé sur Bondi. Ça tire à Bondi, c'est calibré, ça mitraille comme Bondi. La mitraille sur Bondi, quand ça fume pas, ça fume un peu d'échappement. Quand tu es en Clio 5, Clio 4, tu roules en GTS, GTS 4, 4, bolide allemande. Quand tu viens pas sur Terre, les jeunes ils viennent. Quand tu iras pas, c'est freestyle sur FMTV, VFM. Tous les freestyles, quand ça vient, c'est éclaté au pôle et sol. Quand tu viens sur terrain, la boîte Bondi, c'est éclaté au sol avec une Kalachnikov. Quand tu viens sur Terre, ça éclate, fusil à pompe dans le terrain. Quand tu viens pas, ça éclate comme Tupac. Dans la vie, quand ça vient, les gars, ils arrivent, ils tirent sur la tête. Tête, tête, tête. Quand ça explose, ça vient sur Terre, t'exploses tout. Tes yeux, c'est un laser. Quand tu viens sur Terre, ça explose, ça crame, ça bite. Martin, Martin, il vient pas sur Terre. Quand tu viens sur ça, t'intéresse pas. Moi je sais pas rapper, mais je sais pas chanter. Je quand tu es sur Terre, ça bicra pas, ça fume pas. Viens un bondi quand tu vas pas sur Terre, prends le micro. Non, fais ça quand tu viens pas. Tu traces pas quand tu viens. Avec plein de poils, t'es barbu quand tu viens pas, t'es rasé. Je veux faire comme Martin quand tu viens pas, ça arrive pas. Ça bicra pas, ça va pas sur le terrain. GPS bleu, GPS. Regarde tes GTS bleu. TS, GPS. Roulant DC206, 2006. GT6. Golf, GTS, GTS, quand tu vas pas sur le terrain, bolide craché dans le terrain. Quand tu vas pas sur Terre, t'es pas un humain quand tu vas pas, ça bicra sur le terrain. Quand tu vas pas, Martin, quand tu vas en face, Martin, il va sur le terrain, il est vert, il est bleu, il est jaune. Yeah, yeah, yeah, ok, ok. Yeah, yeah, yeah, ok, ok. Je fais pas de rap, mais je fais pas rapper. Vas-y, moi je vais partir là, je suis pas sûr. On est parti. Vas-y, vas-y, tu peux mec. Ouais, je peux un dernier. Tu m'entends? T'inquiète, je vais te lancer un truc. Tu m'entends? T'inquiète, tu peux aller, je vais lancer un truc sur le. Vas-y. Ah, c'est le dernier, tu me laisses en ce moment à toi? Ok, comme tu veux. Ok, ok, ok, ok. Ouais, ouais, ouais, ouais. On sait pas chanter. Ouais, si, j'étais parti. Quand c'est venu, il y a 15 jours. Hein, ouais. Ah ouais, parti où ? Je t'ai fini par défaut. En plus, c'était lui qui passe par TG de Bordeaux. Je t'ai fini par défaut. J'ai pas de flow. Moi, à l'époque, je passais à Bordeaux. Ouais. Je connais. Je t'ai fini par les flows. Je t'ai fini par des flows. Mais j'ai pas de flow. Alors, je me laisse traîner comme un putain de flow. Yeah. J'aime pas ce nom en direct, peut-être que si, peut-être que non. J'ai pas la vibes. Oh. Ouais, ok, ok, c'est parti, on laisse tourner. Ça, c'est un peu dur. Hein. Quand t'as lâché, c'est pas t'arrêter. J'en ai 20, j'ai tout bien. Bidi bidi bidi ba bidou bidou bidou dou. Bidi bidi bidi bidou bidou dou. Dou di di dou di dou. Ok, ok. Y'a pas d'autotune, du coup je peux pas faire des yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Brutalis jusqu'à la mort. Vas-y, hein. Merci beaucoup. Vas-y. Merci, à plus tard. Vas-y, hein. À la prochaine. Nous n'avons plus de musique actuellement. Nous sommes actuellement sans musique. Martin est parti récupérer les patients et je suis aux commandes. Donc je vais maintenant nous mettre quelque chose de plus hard pour pimenter un peu la soirée, qui n'est pas une soirée, mais un peu, voilà. Voilà, du punk. Ça va, Mathieu ? Comment tu te sens ? Pensif ? Ouais. Dis-moi pourquoi ? De quoi tu penses ? À quoi tu penses ? Un texte. Ok. Mais tu sais que t'as pas besoin d'avoir un texte pour le faire. Hein. Laisse ta créativité. Hein. Laisse ta créativité se libérer. Et tout devrait y arriver. Il n'y a pas beaucoup de trucs en vrai. Pop, pop, pop, pop. Pop, pop, pop, pop. Ouais. Stand by me. Oh, stand by me. T'as un petit problème de type. Tu sais, ça capte le casque. Ça veut pas capter. Ah, peut-être parce qu'il a fait ça. Je pense à une cigarette. Ouais, je pense qu'on pense aussi à une petite cigarette là qui pourrait venir nous chercher là, la cigarette. Mais c'est pas possible. Il faut rester calme dans le combat de la cigarette. On vient de rentrer chez moi me dormir. C'est vrai ? De ouf. Mais non, pas maintenant. Non, on se parle plus. Qui vers l'acte. Ouais, on se parle plus avec Quentin. Depuis longtemps. Je m'entends ? Oui. Oui. Je l'avais dépanné de 10 euros. Ouais. Ou 20 euros. Ouais. Jamais il me les a rendus. Ouais, il t'a dit que. Ouais, il a fait la même chose avec un pote à moi aussi. Ouais, il est malhonnête. Ouais. Je l'aime pas. Malheureusement. Alors, en fait, on disait que. En fait, il a eu le même souci avec moi qu'avec Quentin. Quentin lui devait de l'argent. Il avait prêté de l'argent à Quentin. Il ne lui a jamais rendu. Et moi, dans mon cas, c'est un ami à moi qui a prêté de l'argent à un ami. Enfin, c'est à Quentin qui a prêté. Quentin, s'est fait prêter de l'argent par mon ami, mais il ne lui a jamais rendu. Et pourtant, il dit toujours je vais te le rendre, je vais te le rendre. Asseyez-vous, mettez-vous en place. Mais jamais, jamais ça s'est passé. Voilà. Attends, je te reprends les commandes. J'ai essayé de mettre de la musique, mais ça ne marchait pas. C'est là, c'est la musique là, tu changes là, c'est au moment que tu l'as. Alors, les micros. Okay. Les micros, prenez les places. Ok. Ouais, moi, je reste là. Donc, Ça va. C'est bon. Et ça, tu vois, des fois, quand ça marche pas, tu peux appuyer sur les boutons. C'est William Burroughs. Tu vois, ça s'éteint, c'est tout, tu vois, pourquoi? C'est tout le temps appuyer là. C'est pas le scotch? Si. Mais je pense qu'il est parti chercher aussi les autres. T'inquiète. Ouais, bon. Martin, le scotch, c'est vrai qu'il veut, il y en a ici. Quoi? Le scotch. Le scotch. Le scotch. Non, parce qu'on n'a pas des casques pour tout le monde. Mais ça. Bon, Johan, tu vas faire quoi aujourd'hui? Il est passé où notre ami là, freestyle? C'est barré? Apparemment. Tu peux prendre un micro, Johan, si tu veux. Tu peux prendre un micro? Tiens, tu le prends là-bas. Et l'ami freestyle est parti là, celui qui était là? Je pense que oui. Il est parti. Ouais. Bon. C'est genre, c'est Pinot est là. Il est pas à l'endroit. C'est du dub. Ça vient du reggae aussi, c'est pareil. C'est un peu le reggae avec des effets, tu vois, des delays, des trucs. Ça, c'est le dub. Si j'ai rencontré l'un des inventeurs du dub, Linton Quincy Jones, enfin non, comment ça, Lee Scratch Perry, tu connais? C'est un peu le mec qui avait les studios à Jamaïque, où il enregistrait Bob Marley, tout ça, quoi. C'est lui. Qui mettait la machine et il faisait des effets qui inventait ces genres de musique, tu vois. Ouais, mais tout encore les enfants. Ça avait arrivé, ouais. Dubstep, tout encore. Hein. Oh. JJJ. Ok. Donc on est là. Johan, tu peux improviser sur ça ou pas? Mm-hmm. Cette musique, ça t'inspire pour... Je la connais pas en fait. Juste pour un pro. Parle, voir ta voix. Doudou. Tu restes à la radio? Oui. On est à 13 minutes de direct. Tu veux quoi comme musique pour rappeler? T'as le net là? T'as le net? D-A-N-E-T? Non, t'as Internet, ouais. T'as YouTube? Ouais. Allez, encore un Billy Crawford. Tu veux quoi? Dis-moi. Billy Crawford. Tracking. Attends. C'est pas sur Amazon Music, non? Je connais pas ça, Amazon Music, c'est quoi ça? Voilà. C'est comme Spotify, ce truc. Ah. Comment il s'appelle? Je peux voir. B-I. B-I-2-L-Y. Ouais. Plus loin, Crawford. C-O-N. Non, C-R-A. Crawford, voilà. Billy Crawford, ça. C'est ça doit être... Crawford, hein. Ouais, c'est ça. Tatin. Tracking, premier. Vous voulez un papier pour écrire, hein, monsieur? Non, ça ira. C'est quoi votre prénom? Mathieu. Avec un H, T-H. Moi, c'est Martin. Enchanté, bienvenue là. Tous les mercredis, on fait. Ouais, on fait un atelier radio, on vient ici, on fait de la musique, on discute, on parle. Tu parles de tout, en général, tes problèmes, pourquoi t'es devenu à l'HP. Ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps. Et puis, ça nous fait du bien parce que nous aussi, on est passé par là. Et entendre d'autres analyses, ça nous fait du bien en fait aussi. C'est comme ça après qu'on guérit après un peu parce que on subit après une thérapie. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois. C'est pas parce que t'es malade que t'es un vaurien. Ouais, c'est sûr. Tu vois un peu, ça nous revient là, tu vois. Oui, on est sur Metanoia, on est sur Pinot, on prépare le live. Il y a Johan qui va. Attends, c'est quoi? Tracking, c'est le nom de truc. Tracking, ouais, voilà, attends, j'essaie de le mettre. T'arrives? J'arrive. Ah, t'es déjà très loin là. Le début, s'il te plaît. Attends. Mais c'est ça, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Tracking. Il y a plusieurs versions de tracking. Eh ben c'était cette là en fait là. Non. Ça commence comme ça? Ça commence comme ça? Attends, je vais mettre une autre. Voilà, c'est cette là. Ah mais parce que je suis pas connecté par. Comment? Je suis pas connecté à mon compte, c'est pour ça il me fait. Ah. Comme ça commence depuis plus loin, tu vois, mais là ça va venir. Tac. Tac. Et... Voilà, tracking. Tu vas voir. Je connais pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Moi, je la connais. Comment? Je la connais, elle est connue comme chanson. C'est pas le même tempo. Ah, d'accord. C'est notre tempo, mais c'est pas grave. Non, je trouvais l'autre. Celle-là, alors, attends, tu vas voir. Écoute un peu. Non. Et après, on va être vitamine, protéine, hein, c'est ça? Vitamine, protéine. On a mis ça quand vous n'étiez pas là. On a tous dansé, hein. Pour ouais. Ça. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire un petit freestyle vite fait, genre. Remets. Attends, je vais chercher sur. Attends, je vais mettre sur YouTube sinon. Ta-la-la. Ta-la-la pour l'instant. Toi aussi, t'as envie de chanter? Oui. Ça te dit rien? On va commencer avec cette chanson-là. Ouais, ouais. Comme ça va la réveiller. Ouais. Protéines, vitamines, ça réveille à tout le monde. Ça va réveiller tout le monde, même moi, ça me réveille. Ouais, y'a. Ta-da-da-da, attends, tracking. Quoi ça m'a. Sandra, ça va te réveiller aussi un petit peu parce que t'as les yeux fermés. Hein. Parce que je suis fatigué, j'ai pas dormi. Ah mince. Ah oui. Et vous êtes là depuis quand? Lundi. Lundi. Et je sortais lundi. Une semaine, quoi. Ouais. Une semaine, ok. Faut un régulateur un peu. Pas que ça fasse que ça, là. Un coup en bien, un coup pas bien, là. Ouais. Attends, tracking, voilà. Faut pas là. Tracking. Bon, c'est la connexion d'internet de l'hôpital, hein. C'est pas génial, des fois. Un peu ça déjà. C'est pas ça, mais je cherche l'autre. Ouais. Tracking. Là, ça vient. Oh. Ouais, c'était ça? Ouais. Oh oh oh. Somme française. J'adore les France. Dance? Yeah. Eh, moi c'est Yohan Enzoé, Camerounais d'Afrique, ambiance Tupac, on a ça, de faire du show, Radio Métano, yak, ouais, j'ai ça, j'ai le flow, ouais, de faire du sale, ouais, tu peux pas tester Camerounais, ouais, d'Afrique, ouais, j'ai le danger chez moi, ouais, t'inquiète pas, c'est Yohan Enzoé, Camerounais d'Afrique, teuf, une bouteille de champagne, ma gueule, ouais, t'es monté dans le contrôle, ouais, j'ai ça dans le cœur, ouais, de faire du sale, à jamais, t'inquiète pas, mon faux est caribé, hein, tellement j'ai ça, ouais, Ah, ça va. T'inquiète pas, ouais. J'ai ça, ouais, dans les veines, ouais. De faire du sale, ouais, comme tu connais, ouais. À jamais, Yohan. Tracking, c'est violent, ouais. Tellement on a ça dans le cœur, ouais. À jamais, Je suis donc par un cœur. À jamais, ouais. Ma gueule, t'as ça dans les tropiques, ouais. De faire du sale, ouais. À jamais, On a ça, ouais, on est fort, nature, t'inquiète pas, ouais, on est fort. Oh yeah. Tu vois comment à la ça dans le cœur, ouais. On est timide ici, on est ambiancé là-bas, ouais. Ça le tempo, oh. T'inquiète pas, ouais. On a ça dans le cœur, Avec Adim, ouais, qui arrive avec un flow de maître Guinness, On a ça dans le cœur, ouais, de faire du sale, T'inquiète pas, On a ça dans le tempo, ouais. Les seins, bébé. On a ça, ouais, T'inquiète pas, T'inquiète pas, ouais. Me pare. Si, Yohan. Ça fonctionne pas, je comprends pas, je m'entends pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est chelou ça. Écoute. Lion d'Afrique, ouais, on a ça, de faire du sale. Nous, on fait pas sale, non. Comment te faire du sale, ma gueule, c'était pas non, OP, fait du sale, mon frère, c'est pas bien. Ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est pas normal. On faut pas faire du sale, c'est pas bien, mon frère. Moi je te dis, j'ai la haine, c'est pire que tout. Si tu savais, depuis quand je suis en colère, depuis bébé, t'abusé. Pas de haine, il faut pas de haine dans la vie. Le bon Dieu ne veut pas, c'est pas bien. Si je te dis, Isaac a m'a fait colosse et t'as fait qu'est-ce au mété. J'entends pas, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne pas. Viens ici, tu mets un casque, parce que sinon tu m'entends pas, toi. Je m'entends. Vas-y. Vas-y. Combien de lunettes? Ça paye combien de lunettes? Pas cher, tu dois pour marcher. Il est 17h, on est sur Radio Métanoïa, on est sur Pinode, en direct de secteur 14 de Ville-Évrard. Et on a Yamila qui arrive avec ses super lunettes. Son look. Prends déjà le micro et le casque, Yamila. Alors, on va faire un jeu. Prends le micro parce qu'on n'entend rien sinon. Alors, écoutez, moi, je vais vous faire une piste de. Attends, tu n'entends pas là? Voilà. Ça va? Attends. Est-ce qu'on écoute? Ça va? Ouais, ça va. Tes jambes là? Ça va? Je t'entends pas. Attends. Moi, je vous entends. Ah, ok. Moi, attends. Ok. Alors, je vais vous parler de ma famille. On va faire un comique. Alors, je vais vous faire un comique. On va essayer de rigoler. Je vais vous parler de ma famille. Donc déjà, ma famille, déjà ça, c'est moi qui l'écris. L'amour vache. Comment il s'appelle? Martin. Vous voulez pas que je ramène ma trottinette? Fais ce que tu veux. Ramène-la. La vérité, ramène-la. Ah oui, la vérité. Ramener. Ouais, vas-y, ramène-la. Ouais, ramène-la. Ramène. Dites Martin est OK. Okay. Ramène-la, c'est bon. Mais vas-y, Yamila. Donc, je vais vous parler de ma famille. Alors, j'attends impatiemment la mort de mon père. Pourquoi? J'ai pas envie qu'il meure. J'ai déjà perdu ma mère. Je suis contente parce qu'elle m'a fait chier. Après, j'attends la mort de mon père pour pouvoir me manger de mes sœurs. Alors mes sœurs, quand mon père sera mort, je vais dire, ma sœur, comment il va ton mari? Il va bien. Je vais dire, ah, pas pour longtemps. Alors après, je dirai à mon autre sœur, comment il va ton mari? Elle va me dire, il va bien. Je dis, ah, pas pour longtemps. Bah pourquoi tu nous dis ça? Bah je pense que ça va être le divorce. Ah oui, divorce de qui? De mes frères et sœurs. Ah oui? Pourquoi? Ça vous plaît pas? Parce que j'ai la haine. Non, mais si je vous dis, la haine c'est pas bon quand on est en colère, le bon Dieu est omniscient et pardonneur, il est opticien. Comment on dit les frères? Le bon Dieu est miséricordieux, omniscient, pardonneur et opticien. Omniscient. Non, pas omniscient. Il y a omniscient, pardonneur, miséricordieux. Quand on dit optimiste, c'est quoi le mot? Il y a omniscient et obtention. Je sais pas comment on dit. Optimal. Non, pas optimal. On parle pas de. Optimiste. Non, on dit pas du bon Dieu qu'il est optimiste. C'est l'humain qui est optimiste. Le bon Dieu, il est. Je trouverai le mot, je vous le redirai. Nous sommes venus nous éclater, mais j'ai envie de vous dire, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit les jeunes, comment ils se conduisent avec leurs parents ou leur business, quand je parle de business, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, tout le monde comprend ce que je veux dire. Il faudrait déjà se respecter, nous, entre nous, les humains. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. S'il n'y a pas de respect, on ne peut pas s'entendre. Mmh. Donc quand on nous envoie en psychiatrie, je veux bien qu'on nous envoie en psychiatrie, mais si déjà en psychiatrie on ne nous respecte pas, comment vous voulez-vous que je m'en sorte? Depuis que j'ai connu Vincent, je suis toujours malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vincent c'est qui? C'est mon homme, enfin c'était. Ou je sais pas qui c'est pour moi. Je ne le connais pas. J'ai été sur Mars, ça ne m'a pas plu. J'ai atterri sur Terre, ça ne me plaît pas non plus. Ouais. Alors, il faut trouver une nouvelle. Il faut créer la nouvelle planète, la planète métanoïaque. Voilà. Donc, on est sur la planète métanoïaque. On va pouvoir chanter. La fessée, t'es coffé, la béquée. Alors, on va rechanter. Hé, frérot. Chérie, laisse-moi te regarder, au mieux te contempler. Ce n'est pas difficile, facile, je vais tester, te faire des bisous partout dans le cou. Oh ma chérie, je t'aime beaucoup. Sans te mentir, je voudrais te dire que je pense à toi lorsque tu es loin de moi. Chérie, viens m'embrasser, chérie, viens m'enlacer. Chérie, fais-moi kiffer, j'ai envie de t'aimer. Je sais ce que tu veux, je le vois dans tes yeux. Allumer le feu qu'il y avait entre nous deux. Je ferai des efforts, encore et encore. Rester près de toi, à la vie, à la mort. Ne pleure plus chérie, les portes sont closes. Juste toi et moi pour que la vie soit rose. Je pense sincèrement que tu es celle qu'il me faut, baby. laisse faire le tempo. Laisse donc faire le tempo. Laisse donc faire le tempo. Ta peau contre ma peau. Te rappelles-tu, baby, ces longues heures passées ensemble allongées sur le lit. Les histoires de cœur finissent toujours en drame. Lorsqu'un homme est pris d'amour pour une femme, je ne sais pas si tu mens, mais si l'amour c'est ça, pourquoi m'as-tu abandonné dans un monde aussi froid? Laisse-moi t'aimer, même les yeux fermés. Elle retrouvera le poids sensible au toucher. Trop de timidité, voilà pourquoi RL a longtemps hésité. Ma celle-ci était ces quelques mots-là, je peux exprimer mes sentiments. C'est bon. Prenez la relève, je vous en prie. Mais il ne faut pas faire de sale, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas avoir de la haine. Moi, j'ai compris que quand on a de la haine, quand on fait du sale, ça nous retombe dessus parce qu'il y a un Dieu. Et Dieu est khalas. Quand je dis Dieu est khalas, ça veut dire Dieu fait payer le mal qu'on te fait. Il n'y a peut-être pas de croyants. On a le droit d'être athée. On a le droit de penser ce qu'on veut. La libre pensée, comme il disait Patrick... non, pas Patrick. Florent Pagny. C'était quoi sa chanson déjà? Je sais pas. Tu peux la chanter, vas-y. La liberté de penser. Voilà, la liberté de penser. On dit qu'on est en démocratie, nous sommes dans un pays de dictature. Quand je dis j'étais sur Mars et j'ai atterri, je suis pire que Diams. C'est qui Diams? Je connais pas. Vous connaissez pas Diams? Non, c'est qui Diams? Alors Diams, je vais vous chanter sa première chanson que je connais. Laisse-moi kiffer la vice avec mon mec. Tu sais, je suis pas d'humeur à ce que tu me prennes la tête. J'ai des soucis, si tu veux bien, arrête. Laisse-moi kiffer la valse avec le mec que j'aime. Tiens, Mel, attention, faut que je te parle. Non, noir, mais je le sens, je le sais, il se fout de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vita? Je croyais que ton mec était quelqu'un de bien. Il parlait de mariage et de appartement. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce bâtard de fils de pute? Attends, on va le voir, tu vois ce que je vais lui faire. Attends, vas-y, je prends le cric et la craque. Je vais lui casser sa caisse, tu vas voir ce que je vais lui faire. Bon, Jamila, c'est génial, chaque fois que tu es là, tu apportes de la c'est pas un truc des tripes, quoi. J'aime bien comme tu le fais. Mais moi, je suis naturel, j'ai maigri, regardez, j'ai maigri. Mais si vous saviez la force que j'ai, mais à ce qui paraît, mais je m'en rappelle pas tellement, on m'a shooté ici, j'ai cassé une voiture de keuf. Alors j'ai dit à ma Rose, t'es sûr? Elle m'a dit oui, t'as cassé une voiture de keuf, t'étais au commissariat, tu leur en voulais, t'allais tout le temps leur casser leur voiture. Ils t'embarquaient pour te mettre en sécurité. Ah bon, bah les keufs, ils m'embarquent pour me mettre en sécurité. J'en casse. Alors j'ai dit, mais attends, comment je faisais pour leur casser leur voiture? Je prenais une barre de fer, je prenais quoi? Non, juste avec tes poings. Alors ma soeur était inquiète, elle parle au keuf. Elle dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec ma soeur? Ah bah écoutez, on la reconnaît plus. Mais oui, là, tu sais, le Hercule dans la mythologie grecque, il a cassé toutes les choses, il avait là, ce qu'on appelait la manie à l'époque. Voilà. D'où là, c'est ta mania, mania. La radio, mania, mania. Mania, mania, voilà, on change de nom, on s'appelle mania, mania. Voilà. La force de vaincre, ouais. La rage de vaincre. Mais aussi, à la place de détruire, on peut construire avec la même force. Mais je sais construire, je sais démolir. Oui, pour construire, des fois, il faut démolir. Ouais. Donc, quand on me cherche, on me trouve. Oui. Mais est-ce que si, avec cette force que tu as, tu peux reconstruire quoi dans le monde? Un bâtiment. Un bâtiment, voilà. Bâtiment. Des logements. Ou la planète métanoïaque entière, comme ça. Voilà, bah, je vais aller sur la planète métanoïaque. Ça me convient mieux. Je crois que ça me convient mieux parce qu'apparemment, on fait ce qu'on veut là-bas. On peut chanter, on peut danser, on a la liberté de penser. Ouais. Nous ne sommes pas en dictature, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Parce que là, nous arrivons dans un... Alors quand on entend Macron, j'ai Vincent quand même qui m'a un peu éclairci des choses sur certaines choses. Il m'a montré un reportage, pas un reportage, mais ce qu'il a dit Macron. Il a dit « la bête est là ». De quelle bête il parle? Au micro. Voilà. Alors je me suis dit, si la bête est là, alors moi je suis démon. C'est ça, tu es la bête de l'événement. Voilà, le démon, attention. Le démon. Parce que c'est mal me connaître quand on me dit t'es gentil. Oui, mais gentil n'a qu'un œil. Et l'autre œil, il a quoi? Il est intransigeant. Aïe, ok. Donc quand on me cherche, on me trouve. Logique. Moi, si je te dis bouge de là, et je parle pas de Passy, ou je sais pas qui c'est qui chantait ça, c'est vaut mieux pour toi que tu traces ta route avant que tu me rencontres au prochain tournant et que je te mette un coup de tête et je te balaye et tu vas rien comprendre. Quand je te dis on n'a pas le même âge, parle pas avec moi. Vaut mieux que tu traces ta route. C'est mieux pour toi. J'ai peut-être pas de grand frère, mais je sais me défendre. Après, si j'appelle ma famille, là, il y a des morts. Mais déjà, si tu démolis une voiture de keuf, voilà. Et tu sors vivant en plus de ça. Ah oui. En plus, ils veulent te protéger. Blanchi. Ils veulent te protéger. Non, mais en plus, ils me disent on peut rien contre elle. Donc, bah, j'en profite. Bon, on va sortir tous avec toi alors. Ah, vous êtes protégés avec moi. Ah, moi, il y a les keufs, ils me disent rien. Alors, la dernière fois, je rencontre les keufs, je leur fais coucou, ils m'ont fait coucou, ils étaient heureux là. Ils se disent oh, bah, ça y est, elle a fait la paix avec nous. Bah oui. Bah, il vaut mieux, hein. Mais déjà, j'ai l'impression que cette même force que tu as pour détruire, tu peux faire construire des choses. Tu peux construire une chanson. Ouais, mais vous savez, Martin, le seul problème qui m'est arrivé, moi, dans ma jeunesse, c'est qu'on m'a enlevé les outils de la main. C'est-à-dire, moi, je voulais devenir juge. Mon père me dit, il n'y a que Dieu qui juge. Ah, vous vous en allez, vous ennuyez ? Et on va mettre protéines et vitamines, là. C'est la deuxième, hein. Ah, bah, on va chanter, on va danser. Qu'est-ce que je disais ? Quand j'ai dit à mon père, je vais être juge, il me dit, il n'y a que Dieu qui juge. Ben, ça sert à rien que je fasse des études, c'est ça qui m'intéresse. J'ai fait des études en raccourci. Après, j'ai travaillé, j'ai fait que travailler. Travailler les études. Tu as fait des études de quoi ? J'ai fait des études de commerce, de gestion. J'étais gestionnaire d'approvisionnement à EDF. Je gérais des chantiers d'un million d'euros. Ah oui. J'ai un CV, j'ai pas de place. Une page, ça suffit pas. Ah oui, j'imagine bien. Oui. On dirait pas comme ça. Si, si, ça se voit que vous avez du bagage. Ah oui, non seulement j'ai des bagages, mais j'ai des lourds bagages aussi. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on va chanter ? Qu'est-ce que tu veux chanter ? Vas-y, te suis. On va chanter Zina. Ok. Alors, je vais rater un couplet, mais on va la chanter. Vas-y, t'écoutes. Tan tan tan tan tan tan tan. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan يا زينة أني مهموم أني مهموم يدخلوا المحنة للدار بون جي راتي ان كوبلي اتون اون شانسون كو جيمي بيان الو جيمي بيان لو جروب اساسان فانسون لام با سو جروب بورتون جيم بيان سون البوم توش ديسبوار كونت اي دي embrouille sur embrouille, c'est tous les jours la même merde, les mêmes têtes de cadavres, les mêmes vies qu'on peut perdre. Pourquoi toujours des safas ? Pourquoi toujours des safas ? Ça marronne, ça gamberge, ça veut niquer la base. Panam City, la ville où je suis né, j'ai enchaîné tous des droits. On reste sérieux, je suis un mix, hein. On reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couiller aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public de... Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue. Esclaves de mille sont les enfants qu'on... Après, je me rappelle pas de tout. Je kiffais ce groupe parce qu'il dit à un moment, pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir pour faire fermer la gueule à tous ces crevards. Et quand je dis, il faut pas confondre tentacule avec ton cul de ta tante. Et quand je dis, dur sera la chute si t'es derrière la bibine comme une pute. Salut ma chérie. Comment ça va ? Prends un autre micro là. Très bien. Il y a le micro là. Toujours aussi toi. Belle. Hein. Dune, tu prends le micro si tu veux là. Bah, regarde ton micro, on a différents micros pour tout le oui, monde. Oui, bonjour, je suis arrivée en retard, je suis désolée. Bonjour à tout le monde. Bonjour ma chérie, comment ça va ? Ça va bien, merci. Ah, alhamdoulilah, ça fait plaisir de te voir comme ça. Et toi, comment tu te sens ? Comment tu vas ? En colère. Contre qui cette fois-ci ? Contre moi. Ah, ça change. Ça change, c'est pas les autres. Mais c'est pourquoi tu es en colère contre toi ? Qu'est-ce que... Parce que j'arrive pas à me stabiliser. Tant qu'il n'y aura pas un sarrasin chez moi qui ira dégager, je ne pourrai pas être stabilisé. Ah oui, tu penses que c'est l'amour là ? Ah oui, l'amour en t'aveugle. Ah oui, ça je le confirme. Mais c'est plus une question d'amour là. C'est une question de haine. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'amour c'est un sentiment, la haine c'est un sentiment. Ouais. Donc il faut que j'arrive à enlever ces sentiments. Bah, on dit que des fois l'amour et la haine, c'est les deux faces de la même monnaie. Oui, mais quand on a de la haine contre quelqu'un, quand on a de l'amour, on l'apprécie, mais quand on a de la haine, on lui veut du mal. Ben, c'est là où peut-être cette haine, tu peux la diriger sur un objet pour quand tu as cassé une voiture de flic, par exemple, la haine s'est passée là. Oui. Mais plutôt de casser, tu peux inventer un truc, c'est ça. Mais je fais que ça, inventer. Ouais. Mais j'ai pas le brevet d'invention. Mais ça n'existait pas, mais on va te les donner, on va te le créer. On va le créer, ton brevet d'invention. On va me le créer, alors on va me créer. Parce que ça, ma chérie, c'est moi qui l'ai écrit, ça. Ah, tu peux le lire. Alors regardez ce que j'ai écrit. L'amour vache, vache, vache. Attends, regardez ce que j'ai écrit au journal. J'étais hospitalisé. Il y a de la discrimination. Il y en a qui devraient aller jouer à la poupée. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, regarde ma chérie ce que j'ai écrit. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Je lis. Lis-le. Je sais plus ce que j'ai écrit, je m'en rappelle plus. Si t'arrives à lire mon... Alors, pour l'instant, je vais réfléchir à ce que je vais chanter. Ouais. Pour mettre de l'ambiance, parce que c'est un petit peu mort. On va faire une petite... Une petite entracte. Une petite entracte musicale pendant que tu réfléchis. Voilà, je réfléchis. Il y a Dune, il y a Loïc, il y a du monde. Voilà. Ici, il y a Mathieu. Si tout le monde... Voilà, et Mathieu. Chacun se met à réfléchir et à faire une partie des radios. Mettez-nous une bonne musique et on fait ça qu'elle m'a fait, qu'elle m'a fait, qu'elle m'a fait, qu'elle m'a fait, mais que tu l'as fait, qu'elle m'a fait, qu'elle m'a fait. Bon alors, qu'est-ce que vous allez parler d'une? Tu vas parler de quoi, Yann? Je suis pas idée. Ouais. Toi, tu vas chanter? Tu vas faire quoi? Bah dis-moi, ici, on peut mettre de l'instru. Tu me donnes un nom et on... C'est son, moi, c'est... C'est son. C'est bien. C'est bien. Super, la culture est bien. Ah. En plus, je l'ai écrit hier la nuit. Je sais pas si. Musique, attends, dis à Loïc. Sinon, Loïc, tu vas te faire poser la fin. Non, c'est pas le câble. C'est un câble jack. Le USB-C. Ah, le mini jack, t'es là. Tiens. Merci beaucoup. Tu peux te dire à Loïc. C'est ça. Ah, c'est le distract. Ouais. Attends, je vais essayer là. Ça, c'est parti. Elles sont YouTube, hein. So Frérot, t'es prêt? Frérot, t'es prêt? Ouais. Ok, on va y aller, on va y aller. Laisse-moi réviser vite mon texte, vite fait. Ok, je te laisse réviser ton texte si tu veux. Vas-y. Tu peux peut-être. Tu peux peut-être lancer la musique un peu avant, non? Non, pas encore. Donc, il y a un autre artiste. Je la lance. C'est la pub. Tu peux le présenter déjà? Attends, la pub, non? Tu peux le présenter déjà à qui on va. On a les droits. Son blaze. Quel est ton blaze déjà, monsieur? Didi à la voix, c'est un poème qu'il a écrit hier soir. Et il y a Loïc au contrôle de la musique. Donc on va voir un mixte. Ouais. Dune, si tu veux le casque, tu peux le mettre. C'est comme ça, tu es. C'est une distract. Donc ça va balancer des trucs bien sombres. C'est sûr. Puis j'ai même pas fini de l'écrire. Mais c'est pas grave, hein. Tu nous fais un démo. Vas-y, me l'instru. C'est parti. Ouais. La cahier. Ok. Sombre. Ok. Tu me disais, je peux te niquer ta race. Si Jim Rap, pas besoin d'avoir un boomerang sur le terrain, je te casse les jambes comme à là-bas. J'ai appris ça dans le 9-3. Je suis un poulard dans le sang de les veines. J'ai failli mourir, j'ai fait un pet. Je fais le vœu de pas manger les restes. Je l'ai piné, tu vois la fiancée. Elle a les mêmes déhanchés que Beyoncé. T'es en perfume trois fois filtré. T'allumes la mèche et t'es éméché. Pas d'alcool ou de panaché. Passe un, j'ai fait même des péchés. D'un pécho, on fait des passes des. Chez nous, que des négros fâchés. Tu me sers, je peux te niquer ta race. J'ai appris ça dans le 9-3. Je te casse les jambes comme à là-bas. J'ai appris ça dans le 9-3. Je peux sortir un côté sauvage. J'ai appris ça dans le 9-3. T'es pas un show, tu fais le malade. J'ai appris ça dans le 9-3. Tu prends ta con si tu n'achaves. J'ai appris ça dans le 9-3. Mais tout cas, dans le ravin. J'ai appris ça dans le 9-3. Quand y'a les bleus, ils ont crié ça passe. J'ai appris ça dans le 9-3. Ouais. T'as vendu la drogue, moi j'étais dans les Rix. Je voulais Léa, je voulais pas gérer Amy. Tu m'observes dans ton petit canari. Je vais piquer, mettre la quicheta à l'abri. Tu loues des locks, mais t'es chez toi avec du riz. Ah. Putain. Bien, c'est moi, j'ai fini. Ouais, maintenant on va Vitamini, Didi, c'était super, hein. Bravo, on est bien. Et la musique, ouais, viens. La musique, elle est très bien. Avec... Prends le micro d'une. Un truc. Ah oui, l'instru. Le texte. Très beau texte, ouais. Bien travaillé. Non, mais j'aime bien. Ça donnait super avec la musique, c'est une espèce de... J'aime bien cette musique, c'est comme un... C'est comme pas un style de musique, ça. C'est la drill. Drill, voilà. Le spécialiste de la drill. Et là, on va voir sur notre grand succès de cet été. Tu es prête? Prends le micro. On va avec notre succès de 2024. Prenez le... Voilà. Un do. Proteini, vitamini, samo da je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba je Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Radi guzu. Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Šta moja beba radi sad? Proteini, vitamini, samo da je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba je Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja ćutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Šta moja beba radi sad, radi guzu. Radi guzu, radi guzu. Merci. Ouais, bravo. Bravo. Oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez me dire si vous la trouvez sur YouTube, si on peut la trouver sur YouTube? Ouais. Et alors, je tape quoi? Protéines et vitamines. C'est tout? Ce soir, je me le mets. C'est bien, hein? Protéines et vitamines, merci beaucoup. Ça nous manquait. We know for your love and every night and every day. Any change you see the motion fire with you. Who's bad? It's you. It's for you to. Bora m'a dit que je vais faire un truc. Ouais, vas-y, vas-y, Johan. Improviser. Vas-y, improviser, je danse. Comme le soir, ouais. comme tout à l'heure. Tu voulais quoi comme musique déjà, tu m'as dit? Billy Crawford craqué. Ah ouais, ouais, tac, tac, je perds tout ça, toi, je le trouve déjà. Attends, pourquoi la pluie? Je vais pas changer. Je vais changer. Tu peux me redire le nom? C'est pas Fofolle. Billy Crawford, c'est mignon. Non, c'est pas fofolle, c'est déléreuse. Déléreuse. Je sais pas, moi je suis des bouffées déléreuses. Je suis pas bipolaire, je suis pas zéro. Je suis des bouffées déléreuses. C'est mieux. Mon médecin traitant m'a dit que vous n'êtes pas bipolaire, madame. Vous faites des bouffées déléreuses. Ce qu'il vous donne, c'est de la merde. Prends le micro. Mon médecin traitant me dit ça. Qu'est-ce que tu veux que j'écoute, docteur Serra, moi? T'écoutes qui, bah, je m'écoute moi-même. Donc, et vous avez dit, je vais me noter celui-là. Bouffée déléreuse. Non, mais vous êtes bouffée. Bouffereuse. Déliroise. Déliroise. Mais avant, on parlait. C'est pas une folle, c'est déliroise. Ça veut dire j'aime bien m'ambiancer, j'aime bien déconner. Prends le micro. Prends le micro parce que. Ah, tu t'as acheté des lunettes, hein. Aïe, aïe, aïe. Elles te font trop bien. Et ça fonctionne pas. Si ça fonctionne. Donc moi, mon médecin traitant m'a dit que j'ai des bouffées délirantes et pas bipolaire. Donc il y a eu un problème dans mon diagnostic. On me dit que je suis folle. Donc déjà, j'aime pas qu'on me dise que je suis folle parce que je suis pas oh la folle, oh la folle. Elle lui a pris son corazón. Oh la folle, oh la folle. Elle lui a poucave là tout comme tout. T'es trop belle, ça va finir aux campaniles. Bon, ça, c'est pas la folle. Moi, je fais des bouffées délirantes. Ça veut dire, j'aime bien délirer, j'aime bien m'ambiancer, j'aime bien rigoler et j'aime surtout bien me foutre de la gueule des gens. Alors, quand vous me voyez dans la rue et que je délire, on dit pas la folle. Parce que la folle, elle va s'énerver. La délireuse, je préfère. Délireuse, c'est pas vrai, mon frère, je suis toujours en train de délirer. Il me connaît dans la rue, il me voit. Je suis toujours en train de délirer, c'est pas vrai? Je suis toujours en train de m'énerver. Non, tu délires. Tu délires, je délire, je suis pas folle. Une délireuse, je suis intelligente. Hein. Délirieuse, délirante, délireuse. On est bien d'accord. Parce que délirique. Si t'es gaulois, tu check pas. Il veut que je le check. Après, il me dit, oh, la folle, j'avais envie de lui mettre un coup de tête. Et je lui ai déjà mis un coup de tête, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Mais écoute, je te parle à toi, là. Je ne sais plus comment tu t'appelles, parce que tu vas jouer au ballon ou à la dinette. Je ne sais pas comment tu t'appelles avec ton business de Toshi. Quand je t'ai dribblé devant tous tes poteaux et t'as fait tomber tous les yébis, j'ai dit, les yébis, maintenant... J'ai dit, maintenant, les yébis m'appartiennent. Il m'a dit, ah, non, Jamila, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît, quand tu m'appelles la folle, déjà, gère tes billets, puis après, tu me gères à moi. Non, mais c'est vrai, je l'ai dribblé, j'ai fait tomber tous les yébis. Ben, c'est à moi. J'ai gagné. Mais oui. Je suis désolé. Je lui dis, tu veux jouer au foot? Ben, on va jouer au foot. Mais si tu fais tomber de l'argent, faudra pas pleurer. Je lui dis, non, t'inquiète pas. La racaille, t'inquiète pas. Vas-y, ma soeur. Ma soeur, bon, ben, je suis ta soeur maintenant. Après, tu me dis la folle. Il se prend pour qui? Je lui ai déjà mis un coup de tête devant ses potes. J'ai déjà affiché. Il a plus peur de moi que moi de lui. Pourtant, c'est un colosse, hein. Coup de tête! Ils étaient à 5 contre moi. Je les ai tous balayés. Bon, écoutez, je suis désolé de vous dire que je vais devoir vous quitter. Parce qu'il y a mon frère Mohamed qui est de retour sur Bondy. Et moi, j'ai atterri sur la Terre. Ouais. Bon, là, on est à Starmania ou je sais pas ce que vous... La planète métanoïaque. Ouais, Métayona, ce que vous voulez. Ouais, on va créer avec toi la planète métanoïaque. Toute la force que tu as, la place de détruire le film. J'ai de la force et j'espère en avoir jusqu'à mes 70 ans. Ouais, je pense que ta force va te dépasser. Hein. Parce que la force, elle n'appartient pas à personne. C'est la non, force que mais j'ai un mental. Alors ouais. Quand on me dit que je suis bipolaire, s'il vous plaît, je ne suis pas diable, c'est déjà. Déjà, si on m'appelle Cham, c'est pas pour rien. Quand on me dit Cham, chamois d'or, je dis non, c'est pas Cham, chamois d'or. Mon père m'a appelé Cham comme Charles Bronson. Charles Bronson. Bah oui, une fois, toutes mes soeurs sont tombées dessus. Je les ai toutes cassées la gueule. Donc, bah ouais, je les ai toutes attrapées une par une et je les ai bien. Oh, j'avais là. J'étais comme ça. Bon, je suis toujours comme ça. Mais je les ai toutes corrigées. Quand je dis j'aime pas les femmes, excusez-moi les femmes. J'en suis une, mais j'aurais préféré être un mec. Hein. Au moins un mec, il te fout une claque, tu restes tranquille. Ah, plus aujourd'hui. Hein. Je viens de... Ah bon, bah, je sais pas, je m'en suis mangé une il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis même mangé deux coups, je sais pas, j'ai vu un cabriolet décapotable, je dis, ah c'est ma voiture ça. Je rentre dans le décapotable, le mec il arrive, il avait son touché, il me fout deux coups de poing dans la gueule. Eh, heureusement que j'étais chargé, je l'aurais allumé. Je dis, ouais, il me fout deux coups de poing dans la gueule. Lui. Et l'autre, elle me dit, te bats pas avec lui. Pourquoi je me bats pas avec lui? Je le vois plus, il a disparu. Je le cherche. Hein. Oh, peut-être il vaut mieux pas. Hein. T'en prends un micro, Isabelle. Quelqu'un donne un micro, Isabelle. Donc, pour vous résumer, vous êtes une délireuse et une bagarreuse. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Parce que quand il m'a énervé, mon ex-homme, je suis descendu en bas de ma cité, je cherchais l'embrouille. Je me suis assise sur une voiture, je dis ça va énerver quelqu'un. Et c'était le keuf. Je dis, ah bah lui, je vais me le faire. J'attends qu'il descende. Il me dit, j'ai rayé sa voiture. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas une gamine. Je raye pas les voitures. Si je fais quelque chose à sa voiture, je brûle. Bon. Je fais pas une petite rayure, c'est ridicule. Ah ok. Tu fais pas, tu vas un homme. Ok, on a Johan qui va prendre le relais là. Johan. Vas-y, on écoute Johan. Bon, bah moi, je dois m'absenter. Tu veux t'absenter? Tu peux rester. Ah bah t'as du mal à être seul. Peut-être. Vas-y, Johan, chante-nous un truc bien, je danse. T'as fait ton son? Ouais. Tu prends celui-là. Ah, c'est trop tard là. Ah merde, celui-là, il est plus long. Alors, Johan, c'est le tour de Johan, notre. Un de nos artistes du début de la radio Métanoïa. Johan, tu peux présenter peut-être ce que tu vas faire là, non? Johan. Oui, oui. Je vais faire un son qui me plaît à l'infini. Oui. Qui est Billy Crawford, pour moi le plus fort. Le plus fort artiste en 2000. C'est vrai que c'est il y a longtemps. Mais quand j'écoute ce son, c'est toujours pour moi comme si on était dans ces années-là. Un coup de cœur, voilà. Un coup de cœur. Ouais, tu veux, tu peux te mettre avec moi si tu veux. Ouais, on va essayer. Ok. Allô, ouais, c'est bon. Je te suis. Vas-y. Tu me suis, hein? Ouais, je te suis. Ok. Adim, dommage. Hein. Ah, ouais, dommage. Adim. Enchanté, Adim. Enchanté, Adim. Enchanté Adim. Enchanté Adim. C'est comme ça que ça, va, ça commence. Ok, ok, ok, ok, Adim. Ok, ok, ok. Adim. Hey, hey Adim. Hey, tu veux pas chanter? Tu veux pas chanter? Vas-y, fais soin, Adim. J'adore, j'adore Adim. Oh, je kiffe Adim. On adore que Dieu. Adim, Adim? Non. Ada, bon, Ada. Waouh. Bi, hey. Hey, moi c'est Hadim, oh, moi c'est Enzo, hey, hey, t'inquiète pas, hey, on a ça dans le cœur, ouais, on peut aller tout ça, ouais, tellement on a ça, ouais, dans le tempo, ouais, Camerounais d'Afrique, ouais, on a ça, ouais, à jamais, comment, nous sommes les plus riches, l'Afrique, l'Afrique, ils ont tout pour nous, l'Afrique, y'a le gaz, y'a l'eau, il y a le pétrole, il y a l'énergie, il y a le nucléaire. Ils nous ont pillé l'Afrique. L'Afrique, c'est le meilleur. Mon MC Yohan n'a jamais gravé pour toi, bébé. Ouais, listen, bébé. Listen, bébé. Listen, bébé. Écoute bien ce qu'il dit. Écoute bien ce qu'il dit. J'ai trop Michael Jackson. Ouais, il a ça dans le cœur. Ouais, comme lui, j'ai pas toléré quand ils ont dit Michael Jackson. Quand il est mort, ils ont dit qu'il a été pédophile. C'est pas vrai. Michael Jackson aimait les enfants. Pourquoi dire pédophile? C'est pas ça. C'est. Il a ça, Jackson, il a ça, ouais, Jackson, Jackson, Jackson, Jackson 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi, pourquoi parler des morts quand on est mort? On respecte les morts. Pourquoi parler sur les morts? Pourquoi dire Michael, pourquoi dire Johnny Hallyday? Il shootait à la coke, ça le regarde. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Tout le monde le kiffait. Allumez le feu. Allumer le feu tellement il mettait bien tout le monde, ouais. La je te promets foule, ouais, le sel d'un baiser de ma bouche. Je te promets le miel d'un... Non, je te promets le sel d'un baiser de ma bouche. Je te promets le miel d'un... Je te promets le sel. Oh, oh. Je te promets la lune au-dessus de ma couche. Mako, Mako. Tellement Mako, je Mako, l'aimais, ça, je l'ai tué. Oh Marie, si tu savais... Tout le mal que l'on me fait. Listen, listen, listen, listen. Oh, James, James, James. Salam alaikum. Mon guerrier coréen. T'as la guerrière à côté de toi, frérot. De la danse, de la danse. Je te danse. Dis tout ça pour pas que tu me fasses pleurer. Ça va faire mal, eh. Ce soir, ouais. Ne me dis pas pourquoi tu me dis tout ça. Ne me fais pas croire l'illusion. Tu me fais croire beaucoup de choses. À la salle, je te fais du sale, ouais. Comme un mec des quartiers nord, ouais. On a ça à Bondy. Mais du sale, ouais. Tellement on a ça. Et tu me fous de la paix. Ah, oui. C'est comme ça que je vois les choses. Ne me prends plus la tête, s'il te plaît. Moi je suis une fille solitaire. J'ai horreur des mecs et des meufs. J'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai toujours été une solitaire. J'ai toujours été, je me suis bagarré pour mes valeurs et mes ambitions. J'ai toujours été comme ça. On m'a jamais changé, jamais. À jamais c'est moi, girl. T'emmènes dans les étoiles à Bondy. Mais je suis pas dans les étoiles, je suis sur Mars. Ok, ok, ok, ok. Pas mal là, pas mal là. Oui, on est le Métanoïac. Bonjour. Et voilà, on est sur Métanoïa. Et puis, on va parler maintenant de cuisine, il paraît, hein, ça. Hein. Vous voulez mettre un casque? Mettez un casque. Mettez un casque, ça va coûter mieux. Oui, oui, prenez-le. Voilà. Tu peux. La semaine prochaine, Martin, la semaine prochaine à la radio. Oui. J'ai écrit un texte. Quelle surprise. Allô. Ça va être un Voilà, on est sur Métanoïa. Chinois. Et il y avait l'improvisation de Johan et Jamila sur une chanson de Billy Crawford. Et là, on va parler de cuisine avant que Dune prenne la parole pour la fin. Oui. Votre prénom, c'est quoi, madame? J'ai oublié. Sylvie. Sylvie. On doit parler de cuisine. Je dois présenter une recette. Voilà, présente-nous la recette. Mais elle est où, là? Elle va arriver. Vous n'avez pas la feuille, là? Oui. Ça va, et toi? Non. Non? Pourquoi? Elle est en colère. Mais tu sais, il y a. Non, je suis trop gentille, moi. Gentille d'un canaille. Oui, oui, tu es l'artiste, en fait, c'est ça. Hein. Je suis une artiste, ouais. C'est bon, on est là. Et on va parler. Vous voulez mettre un peu de. Vous voulez parler de ça? Ou vous avez besoin de quoi? De la feuille? Oui, je ferme ma. Elle est où la feuille? On ne sait pas. Ben bon, non. Bon, on va mettre un peu de musique pendant qu'on trouve la feuille. Ouais, ok. On se voit la semaine prochaine. This concerns a virus which occasions biologic alterations in those who survive, and these alterations are genetically made, giving rise to a race of mutants known as the fever freaks. Some of these mutations are favorable and some otherwise. A top government official bluntly warned. B-23, now loose in our overcrowded cities, is an agent that produces biologic changes in those affected. Ça sent la rentrée, c'est la rentrée. L'eau, la gomme, les crayons, un papier, sortez vos cahiers, les petits écoliers. Êtes-vous prêts? Nous sommes partis pour une nouvelle année tous ensemble, réunis, pour chanter, pour faire de la poésie, pour lire des textes, pour danser, pour écouter des hurluberlus, des poétesses, des poètes, des gens qui ont plein de choses à dire dans leur cœur, des gens qui sont passionnés. Attends, je connais déjà. Voyage en Corse. Oui, c'est bien. Je viens d'arriver, je suis arrivé hier. Ah, et c'était bien la Corse. Magnifique. Les paysages. Magnifique. J'adore. Les paysages, les gens, les criques, le style, les paysages. La nourriture, la nourriture, ouais. Le terroir. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Ouais. Beaucoup, il faisait chaud par contre. Il faisait très chaud, il a fait chaud aussi en Paris. J'étais partout. En France alors qu'en fait c'est le même pays. Par contre, l'eau turquoise, transparent, l'eau de la mer. On se croirait pas, on se croit ailleurs. Ouais, beaucoup je pense loin. Que c'est même plus transparent qu'aux Caraïbes. Ah oui? Ouais. Ah oui, parce que vous savez. Pas autant que ça, mais je connais un petit peu. Mexique. Donc t'étais en Corse, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Encore en Corse. Encore et encore plus tard. Les Corses sont vaillants. Les Corses, c'est des gens qui ont du cœur, qui ont des valeurs. Oui. Tu connais ils ont le cœur du spectacle. Ouais. Dune, tu es allé en Corse? Non, mais j'ai regardé, j'ai lu pas mal de choses sur la Corse et je trouve que ce sont des personnes très attachées à leur terre. Ouais. Il y a beaucoup de Nord. de Nord-Africains qui vont s'installer en Corse, parce que ça ressemble beaucoup à l'Algérie. Surtout le sud de la Corse, ça ressemble beaucoup au sud de l'Algérie, avec la végétation, avec les criques, la mer, les plages. C'est très joli. Ouais. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Toi, tu as fait quoi, Dune, au mois d'août ? Alors moi, au mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait ? On m'a proposé d'aller dans le sud de la France, mais je n'ai pas pu m'y rendre. C'était à Marseille, mais je connais déjà. Ah, t'aimes tu connais déjà la chaleur qu'il y a là-bas, alors ? Il fait très chaud à Marseille, ouais. Mais ça va, c'est supportable. Je connais une autre chaleur, celle de mon pays, l'Algérie, où bien il fait sûr. 50 degrés. Ouais, ouais. Alors, 30 degrés à côté... Ah ouais, c'est... Moi, j'ai marché beaucoup. J'ai beaucoup marché. J'ai fait un challenge. J'ai fait à peu près 170 kilomètres depuis le début du mois d'août, à pied. C'est pas mal. La marche, c'est très bon pour le corps, c'est très bon pour l'esprit, c'est très bon pour réfléchir, penser, philosopher, s'évader. Donc voilà. Oui. C'est très clair. Et vous pouvez commencer à parler de cuisine, hein. On va pas attendre. Mettez le casque par contre, sinon on va pas attendre. Bien. Notre séance, séquence cuisine pour vous donner l'eau à la bouche. Oui, mais ce qui m'a dit, c'est que je sais pas si on a une recette. Prends le micro parce que sinon t'entends rien. Allez, allez. Ah, voilà, on est de retour. Vous voulez parler de quoi comme cuisine ? La bouillabaisse de Marseille. Non, je plaisante, c'est une blague. Pourquoi vous voulez qu'on réalise une bouillabaisse ? Micro, s'il vous plaît. Je sais que c'est plein de fruits de mer, ça doit être délicieux. Oui, ça doit, mais je... Mais je plaisante, je taquine, parce que comme j'ai parlé de Marseille, j'ai parlé de la bouillabaisse. Oui. Je vous passe le micro. Je ne sais pas l'accent. Prends le micro, parce que sinon... Oui, voilà, on t'entend, là. Je n'ai pas la recette, comment je fais, là. Pour l'inventer ? Ici, c'est la seule règle, c'est qu'on a, si on n'a pas le contenu, on l'invente. 3 soupçons de tendresse. Voilà. 3 soupçons de tendresse. 5 cuillerées d'amour. Il y a quelqu'un à la radio qui demande bien la recette de la bouillabaisse. Tu peux la donner ? Alors, la recette de la bouillabaisse, je ne l'ai pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de crevettes. Beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons. Moi, j'aime pas le poisson. Ah, c'est délicieux le poisson, mais bon, chacun son goût, ses coups. Il doit y avoir des écrevisses, à mon avis, également. Largué, là. Il doit y avoir également beaucoup d'épices, du soleil, du vent. Ah, c'est génial, ça. Alors, il me semble que le mot bouillabaisse provient de où on met tous les poissons. Ouais. On fait bouillir et on baisse. Bouillabaisse. Ah d'accord. Voilà. C'est très intéressant. La température. Non, en fait, on baisse le. On baisse le volume. Le volume. Voilà. Le volume. Oui. Je sais plus comment on dit. Voilà, on baisse la flamme. Une fois, d'abord, ça boue. Ah oui, je comprends. Après, une fois que tous les ingrédients qui sont dedans et que ça boue. Ouais. On baisse la flamme. Oui. Et je crois que c'est pendant une heure. Oui, ça dure longtemps, la cuisson. D'où vient on la laisse mijoter tranquillement, c'est ça ? Bouillabaisse. Ah ! Bouillabaisse. D'accord, merci pour l'explication. Okay. Intéressant. Je crois que c'est l'origine du monde. Parce que je suis allée en Corse et j'en ai mangé plein. Ah là là, c'est génial. Et non seulement vous avez été en Corse, et en plus... Non, je raconte des bêtises, c'était pas la Corse, c'était... Menton. Menton, c'est Menton, c'est tout à fait à droite de l'océan Atlantique, à côté de Gênes, l'Italie. D'accord. Waouh. C'est psychédélique. Ça me fait penser au petit robot. Ça s'appelle robot et humain. Robot humain. Qui distribue des câlins. Voilà, distribuer des câlins dans la rue, comme ça. Comme ça, dans la rue ? Ouais, on va sortir. Le Radio Cona Schizophonien, on va faire des actions dans la rue. Ah, mais vous savez, aujourd'hui, qu'il y a les JO à Clichy-sous-Bois. Il y a les Jeux Olympiques à Clichy-sous-Bois aujourd'hui. Il y a les athlètes qui sont en train de concourir aujourd'hui. Les cyclistes. Vous savez, c'est où Clichy-sous-Bois, j'espère ? Oui, mais alors justement, la grande question, c'est que depuis lundi, sur Bondy, sur la RN3 au niveau de Jean Verdier, il y a. C'est rempli de flics. Ah oui, partout. Et alors. Et pourquoi ? Je suis inscrite sur le site de la ville de Bondy. Plein de gens se posent la question, même moi. Oui. Et apparemment, hier, quelqu'un a marqué sur Facebook que c'était justement par rapport aux Jeux Olympiques. Ah oui, c'est ça. Alors moi, je sais qu'il y a les Jeux Olympiques sur Villepinte. Ça commence. Mais on passe pas la RN3, on passe pas sur la RN3 pour non, la Villepinte. Non, c'est des petites villes. Par contre, effectivement, tu remontes la RN3 sur, en direction de Meaux, sur la droite, à un moment, t'as Clichy-sous-Bois. Oui. Ah bah oui, d'accord. Et d'accord. C'est aujourd'hui. Là, ils sont en train de... Ouais, enfin, depuis lundi, ils sont... Ah ouais, mais c'est normal, il y a tous les pays qui sont là. Il y a toutes les fédérations sportives qui sont là. Donc, il y en a peut-être y a beaucoup qui sont installés à Clichy de 3 jours. Quoi. Oui, pour s'installer, s'entraîner, préparer les choses avec les coachs sportifs. Donc peut-être demain, on n'aura plus de flics sur la RN3. Ah, je crois qu'il y en a encore jusqu'à samedi. Ah d'accord. C'est jusqu'à samedi. Ah, bah, toute la semaine. Ouais, alors. Ça finit vendredi soir. Ok, merci. De rien. C'était un petit flash sport. Flash météo maintenant. Flash météo, il va faire chaud. Très chaud. Chaud. Alors oui, une petite information. Le mercredi 11 septembre, à 12h, passe le film Fêlé au cinéma Malraux à Bondy. Cours de la République. Et séance à 4€ pour tout le monde. Ça va, ça a l'air défendable. Et on voit quoi ? C'est quoi le titre du film ? Alors, ça s'appelle Fêlé. Fêlé. Et alors, si j'ai bien compris, ça parle d'un monsieur qui a monté une... Alors, ce monsieur, je crois que c'est Richard, je sais plus. Et... ça parle d'un monsieur qui a fondé un endroit, un lieu, où il accueille des gens en difficulté, etc. Donc voilà. Et ils apprennent que ce lieu doit fermer. Et donc là, il y a toute une solidarité qui se monte entre eux pour que ce lieu ne ferme pas. Ah, si j'ai bien compris. Je crois que j'ai vu celui-là. Alors apparemment, il vient de sortir. Hein, il est tout récent. Merci beaucoup pour les cinéphiles. Allez-y, précipitez-vous. Moi, j'aime beaucoup les cinémas de quartier, beaucoup de courts-métrages, beaucoup de films d'auteur. Il y a le film, hier, je suis allé à l'Étrange Festival. C'est un festival qui est des films étranges au Forum des Halles. D'accord. Donc, il y a des films qu'on voit nulle part ailleurs que là-bas. Jusqu'à quand ? Jusqu'au 25 septembre, je crois. D'accord. Ça, c'est Loïc à la musique. Moi j'aimerais bien qu'on parle. Pardon. Il y a encore le temps là. Donc il m'explique. Et vas-y. Ouais. Alors, moi j'aimerais bien. Dis pour enfin le festival. J'aimerais bien qu'on parle des ateliers de rétablissement en santé mentale. Donc ça sera le 7 octobre 2024. Donc j'aimerais qu'on les soutienne particulièrement. Après, ça concerne toute l'Île-de-France. Je pense que je ne peux pas dire quelque chose de mieux, en fait. Ça a été... ça vient de la Sorbonne universitaire. Ouais, après, je pense que... Plein d'ateliers. D'autres informations... On va faire la radio, d'ailleurs, si vous voulez venir avec nous. On va faire la radio. On a une heure de radio pour les ateliers. Et les soirs, hein, il paraît qu'on va faire de la musique avec Loïc et Mathieu, l'autre Mathieu. C'est là. Et Johan, s'il veut venir aussi, tu viendras avec nous, hein, faire de la musique. Aux ateliers des rétablissements, le 7 octobre. 7 octobre. Lundi, 7 octobre. Prends le micro comme ça, t'écoute. On s'est tous invités. Toi, si tu voulais venir avec nous à la radio le 7 octobre, toi aussi, surtout, on avait besoin des gens d'en bas qui tiennent la route. Comme... C'est... Merci de là, d'ailleurs. Parce que... Divi, tu viens avec nous aussi à montrer tes poèmes. Hein. Je repasse la main. C'est bien, c'est. Tu peux jouer ? Hein ? Jouer ? Quoi ? La musique ? Comme ça ? Je suis pas un musicien. Il coupe la team, il a refait. Comment ? La team l'a refait. Vas-y. Est-ce que je peux refaire ? Il y a Loïc qui fait la musique là, et là Didi qui va reprendre la. Un poème freestyle. Tu veux parler? Prends un micro. Prends un micro, tu parles un peu. On a 2 minutes encore, on a 3 minutes de la fin. Il y a un rythme. Comment vous allez? Ça va et toi? Ah, et toi? Vous allez bien? Ouais. Chantez un peu. Chantez. Allez, chantez. Allez. Allez, chantez, chantez. Ouais. Ah. Remets l'instru, vas-y. Je remets l'instru. Yeah. Ouais. Oh. Oh. Tu veux le voir plutôt, peut-être. Il y a le truc. Retourne-le. Tu veux pas chanter? Vas-y, avec toi. Vas-y. On chante quoi? Ouh là là. On est à 2 minutes de la fin, Radio Métanoïac. Ouais, l'impro. La caille et la caille. Si on chantait, si on chantait. Attends. Oh, arrête, remets-la. C'est solo. Hey, on y va. Tu as un micro aussi? Yeah. Radio Métanoïac. Pinot. Ok. Bizarre, je peux te niquer ta race. Si Jimra, pas besoin d'avoir un boomara sur le terrain, je te casse les jambes comme à là-bas. J'ai appris ça dans le 9-3. Je suis un poulard dans le sang de l'évène. J'ai failli mourir, j'ai fait un pet. Je le veux de pas manger les restes. Je l'épine et tu vas la fiancer. Elle a les mêmes déhanchés que Beyoncé. T'es en parfum 3 fois filtré. T'allumes la mèche et t'es éméché. Pas d'alcool ou de panaché. Passant, j'ai fait même des péchés. D'un pécho, on fait des passes des. Chez nous que des négros fâchés. Tu me disais, je peux te niquer ta race. J'ai appris ça dans le 9-3. Je te casse les jambes comme à là-bas. J'ai appris ça dans le 9-3. Je peux sortir un côté sauvage. J'ai appris ça dans le 9-3. T'es pas un show, tu fais le malade. J'ai appris ça dans le 9-3. Tu prends ta conce et tu la chaves. J'ai appris ça dans le 9-3. Les poucaves dans le ravin. J'ai appris ça dans le 9-3. Quand y'a les blonds, crie ça passe. J'ai appris ça dans le 9-3. Ok. Ouais. T'as vendu la drogue, moi j'étais dans les Ritz. Je voulais Léa, je voulais pas Jérémy. Tu m'observes dans ton petit canari. Vous pétez, mettre la quiche à l'abri. Tu loues des locks, mais chez toi y'a que du riz. C'est pour ça qu'à la maison ça crie famine. Aïe aïe aïe. Oh. Au revoir les amis. Regarde les textes maintenant toi. Non, on se remet dans les textes. On se remet dans les textes. C'est bon. Il a trop oublié là. Ah ouais. Pas mal. Il y a Eric qui m'a dit qu'il a rajouté 2 minutes, mais tu veux dire quelque chose, Johan? On a 2 minutes encore en direct. Micro libre, 2 minutes. Vas-y, Loïc. 2 micros. 2 minutes avant de partir. Bah merci. Tu t'appelles encore comment encore, toi, là? Loïc. Loïc. Ouais. Ça fait plaisir de te revoir. Pareil, Johan. Par rapport à ce qui s'est passé. La mort de mon ami. La mort de ton ami. La mort de mon ami. Oui, c'est ça. Yes. J'espère te revoir très souvent dans cette radio là, parce que on a beaucoup de choses à dire dans la vie, c'est vrai, dans tout ce qui se passe en fait. C'est ok, voilà. Merci à tous, merci à la radio, merci pour tout, merci pour tout Eric, merci Eric, voilà, à la semaine prochaine. Faites l'amour, pas la guerre. C'est super. Tu vois, là on a tout un très. Une heure, mais attends, stop record.